La représentation d'ensemble du cirque national consacré aux 52 ans de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée a eu lieu le 19 au cirque de Pyongyang. Y ont assisté les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, notamment Kim Yong-nam et Choi Ryong-hae, membres du comité permanent du bureau politique et du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres des organismes du parti, des forces armées, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les cadres, les méritants et les travailleurs des établissements, usines et entreprises de tout échelon de la ville de Pyongyang.